La première opération pour le chevalet était de les mettre en plaquette, sortie de la grume, on mettait les chevalets en plaquette. Et ensuite, ces plaquettes étaient rabotées sur une machine spéciale, tout de même, déjà dans ce temps-là. Ah bon? Oui, sur une machine spéciale. Et après le rabotage, c'était le traçage. Ah oui. Ça consistait donc. Alors, le traçage consistait à imprimer sur la plaquette des trous qui étaient situés dans le traçoir. Et ces trous-là étaient imprimés par des points qui sortaient du traçoir et qui indiquaient exactement la place où il fallait percer ces trous-là. Ah oui. Alors, une fois les trous percés, le travail continuait par la formation du trou avec un emporte-pièce à la main. Un emporte-pièce à la main qui donnait au trou sa forme définitive, c'est-à-dire ovale pour les cœurs et très ovale pour les ouïes. Alors là aussi, vous avez Oui, des termes. tout de même des Alors, termes là, oui. les ouïes, ce sont les Les trous ouïes, ce sont les latéraux. deux trous latéraux, C'est ça. Et le oui. cœur, Et c'est le le cœur, trou c'est les deux trous central. centraux, Ah, mais oui. d'accord. Oui, Vous voyez, ça c'est oui. aussi, Oui, c'est intéressant. oui, ça. Et le, comment s'appelle le corps du Vous avez chevalier? coupé là? Non, Non. non. Ah non, oui. Non, mais ça, Non, c'est oui. pour moi. Hein, Ah c'est oui. pas... Le corps du chevalet, enfin, est-ce qu'il y a d'autres termes pour désigner d'autres parties du chevalet? Ben, on a les pieds, on a les Ah oui, deux les pieds, on pieds, a les deux c'est pieds, ça. puis Les deux le pont, pieds, le pont, le pont, le pont, c'est-à-dire entre les deux pieds, Ah oui. il forme Ouais. une sorte de pont. C'est ça, ouais. Très bien. Bon, alors donc, vous faites un trou avec emporte-pièce. Oui, on forme les trous à leur forme définitive au moyen d'un emporte-pièce que l'on tient à la main. Et ensuite, les trous sont ouverts avec une petite scie très fine pour faire la fente des ouïes et une gouge très fine pour faire la forme du cœur. Ce qui donne déjà un aspect assez poussé de la finition du chevalet. C'est ça, oui. Ensuite, il faut finir le chevalet par le pont en dessinant le pont avec une fraise spéciale. On faisait avec une fraise spéciale déjà à ce moment-là. On avait une petite fraise qui dessinait le pont. Et qui donnait exactement la forme du pied. Le pied était terminé ainsi, et par le pont, à l'intérieur du pied, il y avait le pont, à l'extérieur, il y avait le dehors de pied. Le dehors de Le pied. dehors de Ah pied. oui. Oui. Très bien, ça m'intéresse. Mais avant qu'il y ait une fraise, ça se faisait avec quoi? Avec un canif? Ah non! Non, non, parce qu'il y a tout de même un peu de bois à enlever, c'est assez conséquent comme pour enlever, si la fraise enlevait à ce moment-là, c'était déjà beaucoup de bois, on n'aurait pas pu le faire avec un canif. Ah oui, Ah non, non, effectivement. non. Et on repassait encore un outil, au dehors de pied, on repassait encore un emporte-pièce, Ah de bon? forme aussi. Presque tous les trous étaient repassés avec des emporte-pièces de forme que l'on tenait à la main. Alors, c'est ça qui faisait durer la fabrication plus longtemps qu'il n'était souhaitable pour la rentabilité, hein, Ah, je parce que comprends. à partir de ce moment-là, ce n'était plus rentable. Dans le temps, c'était bien parce que la main-d'œuvre était moins payée, le prix de la main-d'œuvre était moins élevé. Mais maintenant, on ne pourrait plus travailler de cette façon-là. Oui, je comprends. Et alors ensuite, c'était fini, après le finissage du pont avec la fraise. Il y avait le rognage du dessus, le rognage du dessus. Enfin, c'est un peu raccourci parce que vous n'allez pas trouver les 24 opérations.